Chapitre 3e. En s'amusant de la bavolette comme d'un jouet, le duc d'Enghien et madame de Bouteville l'avaient rendue la plus malheureuse fille du monde, ainsi que l'avait dit la dame mystérieuse. L'une des plus antiques chansons de l'Italie est celle où les pauvres gens ont mis cette vieille vérité, qu'il n'est pas de tourment plus cruel que de se rappeler son heureux temps dans la misère. En ces pays-là, les voix de ceux qui souffrent ont souvent répété cette chanson, et il n'y a pas d'apparence qu'elle y soit de sitôt oubliée. 4 ans s'étaient écoulés depuis les événements qu'on a vus au précédent chapitre, et le souvenir du seul beau jour que Claudine eût encore eu ne lui sortait point de l'esprit. Au milieu des soins du ménage et des travaux qu'elle partageait avec sa mère, elle ne cessait de rêver à ce paradis dont elle n'avait connu les délices que pour les regretter. Le coup d'œil éblouissant de la place royale avec ses belles dames et ses cavaliers galants, le cadeau de madame de Bouteville avec les têtes blondes des enfants et les éclats de leur joie, formait comme une galerie de tableaux que la musique des violons de monsieur assaisonnait d'un charme enivrant. Lorsque sa besogne était finie, Claudine, assise sous un vieux pommier, s'abîmait dans ses pensées durant des heures entières. Sa mémoire lui rappelait, comme un miroir fidèle, chaque détail de son grand jour de fête. En songeant aux dernières paroles de monsieur le duc et aux baisers dont il l'avait honoré, elle croyait sentir encore contre sa poitrine les boucles d'acier, les aiguillettes, le baudrier, et autour de sa taille, les bras robustes du jeune guerrier de Rocroi. Parmi toutes ces images, celle de la princesse mystérieuse et celle de Thomas des Riviers venaient ajouter au souvenir l'espérance d'un avenir meilleur. Dans le sentiment du juste et de l'honnête que le ciel lui avait gravé au fond du cœur, Claudine découvrait un motif puissant de se rattacher au monde qu'elle n'avait fait qu'entrevoir. Elle avait reconnu à n'en point douter que ce monde-là était meilleur que le sien. Les gens de loisir y pratiquaient le bien. Les autres parlaient d'honneur, de gloire, de vertu, mots sublimes qu'on ne prononçait point chez les paysans, hormis au sermon du curé. Ces dames de l'hôtel Rambouillet, qui dissertaient jusque fort avant dans la nuit sur la générosité ou la clémence, étaient au-dessus des humaines faiblesses, et la seule pensée d'une chose condamnable leur devait donner des syncopes. Par conséquent, elles vivaient sans reproche et leurs maris de même, autrement elles ne les auraient point épousées. À la cour et à la ville, on ne faisait évidemment que se chérir, se dévouer les uns aux autres, s'unir contre le malheur, mettre sa personne et sa fortune au service de ses amis. L'ingratitude, l'orgueil et la cruauté y étaient ignorés, et si quelqu'un se fût rendu coupable d'un grand péché, on l'aurait sans doute expulsé de la compagnie. Lorsque, par un retour naturel vers les gens qui l'entouraient, Claudine observait leur manière rude, le peu de facilité de leurs mœurs, l'humeur silencieuse que leur donnait le travail incessant, leur passage subit des champs à la table et de la table au lit, souvent sans prendre, par excès de fatigue, le loisir d'embrasser leurs femmes et leurs enfants. Lorsqu'elle voyait les uns ivrognes, comme son père, les autres intéressés, d'autres encore frappant sans pitié des bêtes de somme, elle pensait être parmi des barbares livrés aux vices de la nature. Tandis que le monde des gens de cour n'était évidemment que vertu, mœurs parfaites, culture du cœur et de l'esprit. En souhaitant de quitter son village, Claudine croyait donc aspirer au bien plus encore qu'au bonheur. Pour toutes ces raisons, elle fréquentait ses voisins le moins possible, sans pourtant leur témoigner ni fierté ni aversion. Lorsqu'elle eut 16 ans accomplie, sa beauté donna dans les yeux de plusieurs garçons. Elle fut demandée en mariage, mais elle déclara qu'elle avait d'autres desseins. Maître Simon, qui considérait Claudine comme une personne de condition, n'osa murmurer, et les questions pressantes de dame Simone sur les desseins de sa fille n'obtinrent pour toute réponse que des caresses. Les garçons, impatients d'avoir femme et ménage, trouvèrent d'autres parties et ne se tinrent pas pour offenser d'un refus. On pensa bonnement dans le village que Claudine voulait demeurer fille et l'on ne songea point à contrarier son inclination. Les bruits publics entretenaient la bavolette et ses amis de cour. Pendant la campagne d'Allemagne, il n'y avait point de jour où l'on apprit quelques victoires du duc d'Enghien, le nom de quelques villes assiégées est presque aussitôt prise. Spire, Philippsbourg, Mayence s'étaient rendus au jeune prince. Le petit Bouteville avait fait ses premières armes auprès de son cousin, et l'on disait qu'il s'était bien conduit. Si l'on ne parlait point de Thomas des Riviers, c'est qu'il ne portait pas un nom si fameux. Mais assurément, il avait dû se battre aussi bien que les autres pour l'amour de sa fiancée. La bataille de Nordlingue et ses graves conséquences portèrent si haut la gloire du duc d'Enghien que la France entière couvrit ce prince de bénédiction. Il y eut des réjouissances publiques, et Claudine, au fond de son âme, en était aussi aise que si on l'eût élue reine de Pologne, comme mademoiselle de Nevers. L'échec de son héros devant l'Erida lui fut sensible et la rendit triste durant un mois. Mais d'autres succès la consolèrent. Elle comprit que les amours et leurs serments passaient après les devoirs de la guerre. Il ne s'étonna pas trop des lenteurs de son ami à venir réclamer la foi promise. En un mot, la bavolette était dans ces conditions où les filles se mettent si volontiers et qui consistent à dépenser pour une idée fixe leurs plus belles années et la fleur de leurs sentiments. On commença à s'émouvoir des querelles entre la cour et le parlement. La fronderie allait éclater. Le village de Saint-Mandé, accablé d'impôts, faisait des vœux pour les magistrats courageux qui prétendaient mettre un terme aux abus. Claudine penchait pour le parti de la reine sans en rien dire, de peur d'être appelée Mazarine. Un matin, l'on vit sur la route de Saint-Mandé un grand mouvement de troupes. Un détachement de dragons sorti de Vincennes occupait l'avenue. Les paysans laissèrent leurs travaux pour s'enquérir des nouvelles et on leur apprit que Paris était tout hérissé de barricades. La cour pliait bagages pour fuir une population en fureur. La journée du 26 août 1648 répandait d'un bout à l'autre de la France l'agitation dont Paris donnait le signal. Claudine, se glissant parmi les curieux, s'approcha d'un vieux dragon placé en vedette, le pistolet au poing. « Monsieur, lui dit-elle, savez-vous ce que fait le régiment de royal italien et en quel pays il est à cette heure ?»« Je l'ai laissé, répondit le dragon, au siège d'Ypres, il y a 3 mois. À 7 heures, il bat les Espagnols sous les murs de Lens, mais il va revenir, car le blocus de Paris est résolu. Est-ce que vous avez un parent dans ce régiment ?»« Un ami, dit Claudine en baissant les yeux. « J'entends un amoureux. Peut-on savoir comment il se nomme ?»« Thomas des Riviers. »« Oui, da, mais c'est un officier. Je le connais. »« La belle, vous prenez vos amoureux parmi les gentils hommes. On sait ce que cela veut dire. Et vous portez un méchant bavolet de toile. Votre galant ne vous paye donc guère pour être sa maîtresse ?»« Nous sommes fiancés, monsieur, » s'écria Claudine avec indignation. « Je l'attends pour l'épouser. »« C'est-à-dire qu'il vous a promis mariage. Encore une fille enjolée. Ils n'en font pas d'autres. » La bavolette s'enfuit épouvantée par les regards et les cyniques paroles de ce soldat. « Voilà bien ces hommes de sac et de corde, » pensait-elle. « Ils ne croient à rien d'honnête. » Cependant, l'armée de M. le prince arriva sous les murs de Paris. Le blocus commença, et Claudine apprit un beau jour que le royal italien était campé depuis 2 mois tout près d'elle, au bourg de Charonne. À cette étrange découverte, un nuage lui passa devant les yeux, mais sa foi robuste ne fut qu'à peine ébranlée. Il fallait que, dans les escarmouches contre les rebelles, Thomas eut reçu quelques blessures, peut-être mortelles. Sans prendre conseil de personne, la bavolette partit incontinent à travers la plaine inondée de soldats et de maraudeurs. Elle gagna Montreuil, afin d'éviter les lieux inhabités, et redescendit vers Charonne. À l'entrée du bourg, un factionnaire l'interrogea. Comme l'armée royale manquait de vivres, un panier que Claudine avait au bras, et dans lequel étaient quelques provisions, lui servit de prétexte pour franchir les lignes du camp. Sur la place du marché, elle reconnut un piquet de mousquetaires portant les revers bleus du royal italien. Elle s'avança résolument et demanda où était un gentilhomme nommé Desriviers. « C'est notre lieutenant, » lui répondit-on. « Tirez la clochette de cette maison et vous le trouverez là-haut. » Claudine sonna, un mousquetaire ouvrit la porte. « Annoncez à votre lieutenant, » dit-elle, « que Claudine Simon, après l'avoir attendu pendant 5 ans, le vient trouver pour lui parler du jour. » Où elle eut l'honneur de le voir en présence de Mademoiselle de Bouteville. Au bout de 5 minutes, le mousquetaire revint appeler la bavolette et l'introduisit dans une chambre d'où sortirent 2 officiers pour la laisser en tête-à-tête avec Desriviers. Ce n'était plus l'écolier timide et gauche d'autrefois. Un duvet noir colorait ses lèvres et le soleil avait basané ses joues. L'uniforme et les mœurs militaires l'avaient transformé à son avantage. Mais Claudine éprouva un serrement de cœur en lui voyant dans les yeux un certain air dur qu'elle ne lui connaissait point. De son côté, le lieutenant trouva la bavolette fort embellie, en sorte qu'ils commencèrent par se regarder sans dire mot. Claudine n'augura rien de bon de ce silence, elle s'attendait à un accueil tout différent. À la fin, cependant, Thomas se leva et courut à elle avec empressement. « Qu'il est bien à vous d'être venue, ma chère, » dit-il en lui prenant les mains. « Je gage que vous m'accusiez déjà de vous oublier. Je n'ai pourtant songé qu'à vous depuis 5 ans. » Et je saurais vous prouver que mes sentiments n'ont point varié. Vous êtes mes premières amours. En avez-vous donc eu d'autres ? Demanda Claudine. Non, sur ma vie, répondit le lieutenant. Vous serez les premières et les dernières. Ne vous ai-je pas promis fidélité ? Mais vous, comment avez-vous observé la foi jurée ? Claudine raconta qu'elle avait refusé plus d'un parti, malgré les remontrances de sa mère. Elle allait faire quelques plaintes du long retard et du silence de son ami, lorsque Thomas l'interrompit et lui parla des maux, des fatigues et des dangers de la guerre. En l'écoutant, la bavolette changeait de visage. Elle se félicitait tout bas d'avoir su contenir ses reproches, dont l'injustice et la cruauté l'auraient remplie de confusion. « Ne pensons plus à nos ennuis passés, ma chère âme, » reprit le lieutenant. « Nous voilà réunis et c'est assez. Occupons-nous des moyens de nous voir souvent et profitons de la liberté que nous offre le voisinage, car qui sait où la guerre peut me conduire demain ?»« Nos épreuves ne sont-elles pas finies ?» dit Claudine, « et n'est-il pas temps de nous marier ?»« Je le voudrais, assurément, » répondit Thomas. « Le ciel m'en est témoin. Mais il faut l'autorisation de mon colonel, le marquis d'Anisy, et l'on ne se marie pas en campagne. » Attendons que la paix soit signée. Hélas, mon père voudra-t-il que je vous épouse? Je frémis en songeant à la colère où il va se mettre si je lui parle de vous. Je suis gentilhomme, chère Claudine, et mille obstacles s'élèvent entre nous. Monsieur le prince les renversera. Mon régiment appartient à monsieur le cardinal, et non pas au prince de Condé. Prenons patience, ma chère âme, et nous verrons la fin de nos peines. Il suffit que vous m'aimiez. « Donnez-moi l'assurance, et j'aurai plus de courage à supporter les lenteurs et les contradictions. » En parlant ainsi, le lieutenant pressait la taille fine de la jeune fille et baisait amoureusement les tresses de cheveux blonds qui sortaient du bas-volet. Comme il s'animait à ce jeu-là, Claudine se dégagea de ses bras. « Monsieur, lui dit-elle, j'ai plus besoin que vous de courage et de consolation. »« Et quoi ? S'écria Thomas, vous repoussez les témoignages de ma tendresse ?» « Non, mon ami, répondit Claudine, je repousse des libertés que votre fiancé ne doit pas souffrir pour être digne de vous. Si je ne vous aimais point, serais-je à cette place ?» Le lieutenant ne manqua pas de se plaindre, comme si on lui querellait, pour amener une réconciliation avec l'accessoire obligé des embrassements. Tout à coup, ses yeux prirent une expression approchant de la violence plutôt que de la tendresse. Il saisit la jeune fille avec force et la tira sur ses genoux. Claudine poussa un cri d'effroi. Deux lèvres agitées par une étrange convulsion lui fermèrent la bouche. Elle sentit une main se glisser sous sa gorgerette. Dans cette extrémité, Claudine, n'écoutant plus que la pudeur aux abois, frappa le lieutenant au visage à poing fermé si rudement qu'il lâcha prise. Ils se regardèrent tous deux en palpitant, l'un de rage, l'autre d'horreur, comme ces héros d'Homère qui suspendent leur coup pour mieux combattre après. « Mille démons !» s'écria Thomas, ivre de colère. « Une jolie fille ne sort pas de la chambre d'un mousquetaire Mazarin comme il y est entré. Mes camarades se moqueraient de moi. J'y veux perdre mon nom et mon grade si je ne vous mets à la raison. » Le lieutenant s'apprêtait à recommencer la lutte, mais Claudine lui lança un regard où perçait l'indignation et le mépris, et sautant d'un bond jusqu'à la porte, elle ouvrit et disparut. Tant que la frayeur lui prêta des ailes, la bavolette n'eut d'autre sentiment que le plaisir de sauver son honneur d'un si grand péril. Elle traversa la plaine en courant, sans prendre le temps de respirer. Mais arrivée au logis, elle tomba évanouie sur le seuil de la porte. Dame Simone était au champ, en sorte qu'on n'eut point connaissance de l'expédition de Claudine. Lorsqu'elle revint à elle, la pauvre fille essaya de mesurer l'étendue de son malheur. Elle avait vécu pendant 5 années sur une espérance chimérique. Le passé n'était qu'un mensonge, le présent un lamentable débris, et l'avenir un chaos. En promenant ses regards sur le reste du monde, elle n'y voyait pas une branche où se rattacher, et dans son désespoir, elle souhaitait la mort avec cette passion que le chagrin inspire aux jeunes filles. Elle attendit avec impatience l'heure du coucher, en dissimulant du mieux qu'elle put le désordre de son âme, et quand elle fut retirée dans sa chambre, elle leva les mains vers le ciel en s'écriant « Seigneur, faut-il que vous m'ayez donné pour objet de ma tendresse le seul gentilhomme perfide et déloyal qui fut dans tout l'univers ? Un seul cœur faux et malhonnête s'est trouvé parmi tant de gens vertueux, et c'est à ce monstre que mon amour tombe en partage. Que votre volonté soit faite, mais c'est pour en mourir. » Et la pauvre Baoulette noya ses beaux yeux dans un torrent de larmes brûlantes.